Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Le premier festival de cinéma par et pour les jeunes et ceux qui le sont restés. C'est ainsi que se présente le festival Clap Clap, qui commence déjà à être bien implanté sur Nancy parce que ce sera la 14e édition en 2024. Jean-Luc Nicole, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du centre de loisirs de la MJC des Forges et surtout le créateur de ce festival Clap Clap. Oui, tout à fait. Depuis 2010, un festival qui évolue chaque année, qui regarde un peu plus le monde chaque année et puis qui se prépare encore plus chaque année avec des jeunes qui... C'est ça la particularité, oui, c'est ça. De ce festival. On peut peut-être le rappeler justement, hein, comment c'est né déjà et quelle était l'idée de départ. Alors, c'est né au sein du centre de loisirs que je dirige à la MJC. C'était une thématique d'été, de proposer une rencontre entre l'enfant et l'image. Ça s'est appelé festival Clap Clap, dès la première édition. En fait, l'idée, c'était, mais dès le départ, de se dire, on va pas que faire des films, on va faire du cinéma. Faire du cinéma, alors, ça passe déjà par la création de films, mais faire du cinéma, c'est aussi partager ce qu'on a créé à un public. Ce qui n'est pas la même chose que de regarder un film sur son écran, devant son ordinateur, etc. Donc, il y avait cette idée-là dès le départ. On a connu un engouement fort de la part des enfants et des familles. Il y a eu une deuxième édition, une troisième édition. Et puis, progressivement, chaque édition a eu un thème. Oui. Au départ, on a choisi d'aller à la rencontre d'univers de réalisateurs. On a eu Méliès, Tim Burton, Miyazaki. Après, on est allé visiter des genres cinématographiques. Après, on a eu 10 ans, c'était en 2021, après les années noires qui nous ont empêchés de fêter nos 10 ans dignement en 2020 comme c'était prévu. Et puis, maintenant, on est sur les métiers du cinéma. On a eu La Voix avec comme invité d'honneur Benoît Alleman, qui est la voix française de Morgan Freeman. On a travaillé à cette époque avec Simone Hérault, qui est la voix de la SNCF, et qui nous a laissé un certain nombre d'enregistrements qu'elle a fait au festival Clap Clap. On a eu La Lumière l'année dernière, et cette année... Et cette année donc ? Eh ben, vous ne saurez pas. Eh ben si, cette année, ce sera le décor. Voilà, les accessoires... Les costumes, c'est tout ce qui permet de faire voyager, c'est tout ce qui permet de créer l'illusion sur un studio, etc. Et on va s'amuser avec ça cette année. Une sacrée évolution quand même du festival depuis sa création. Oui. Vous imaginiez que 14 ans après, il ait une telle ampleur? Il y a eu 2500 visiteurs, spectateurs l'année dernière, je crois, c'est ça à peu près. 2800, voilà, j'en ai raté quelques-uns. Ouais, non, on pensait pas. Après, ce que j'aime dans cet événement, c'est qu'il est pas figé. C'est un événement qui accepte aussi de se questionner chaque année. Ce que je n'imaginais pas, c'était d'avoir autant de jeunes impliqués et investis. Ce Clap Clap, il est très cher à la MJC des Forges parce que c'est grâce au Clap Clap que des jeunes, alors du centre de loisirs qu'on ne peut fréquenter jusqu'à 12 ans, quand ils ont eu 12 ans, ils étaient bien tristes de partir en retraite du centre de loisirs et ne plus revenir. Et en fait, ils se sont constitués en groupe de jeunes volontaires, bénévoles, autonomes, adhérents de la MJC. C'est eux qu'on appelle les potagers aujourd'hui. Ils sont une quinzaine et ils attirent toujours du monde. Et cette quinzaine de jeunes-là sont aujourd'hui à des postes clés du festival. J'ai le fondateur des potagers. Je vais prononcer son prénom pour lui faire un clin d'œil. Il s'appelle Baptiste. Il s'est engagé sur l'animation professionnelle. Il a été soutenu dans une formation BPJEPS et il est arrivé en apprentissage à la MJC. Donc il y a des belles histoires comme ça qui se racontent. On a Adrien qui est devenu féru de réalisation pendant le festival Clap Clap, qui fait des études en cinéma en Allemagne et qui est notre assistant technique. Donc il a été embauché aussi dans l'équipe. Donc ça, c'était pas prévu au départ. De belles réussites, de belles histoires, comme vous l'avez dit. Le festival Clap Clap, on l'a pas dit, mais ce sera du 12 au 31 août. Mais ça se passe aussi maintenant, il y a plusieurs étapes au cours de l'année pour le festival. hein, lié à la MJC des Forges, avec les 24 heures de réalisation en février, il y a la fête du court-métrage en mars, ça c'est venu après ? Oui, alors en fait, ce dont on parle, le festival Clap Clap, c'est le point d'orgue de l'ensemble des actions cinéma, éducation à l'image qui ont lieu à la MJC. Donc vous l'avez dit, il y a les 24 heures des réalisations, il y a la fête du court-métrage, il peut y avoir des stages, il peut y avoir aussi des collaborations avec les cinémas caméo sur des avant-premières. On souhaite soutenir. L'image, c'est important. On le savait en 2010, c'est important de parler d'image, c'est important de questionner les images qu'on reçoit quotidiennement, que ce soit sur nos smartphones, que sur des panneaux publicitaires ou à la télévision. Et ce travail d'éducation à l'image, pour nous, il est fondamental. Voilà, de comprendre comment elles sont faites, comment on fabrique une publicité, est-ce que la personne, elle est vraiment comme elle apparaît sur la photo ou sur la vidéo, et on est à chaque fois frappé de comment les jeunes reçoivent ça. Et aujourd'hui encore plus qu'en 2010, peut-être. Oui, parce que, voilà, et quand on voit comment les outils se sont démocratisés, comment... moi, je peux en parler sur les objets qu'on utilisait pour faire du cinéma en 2010. Et aujourd'hui, ce qui nous est possible d'utiliser, c'est impressionnant la vitesse à laquelle ça va. Et ça ne représente que 14 ans de l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, en 2024, on a un studio de fond vert qu'on a bricolé nous-mêmes avec les jeunes. En 2010, c'était... pas du tout envisageable. On connaissait la technique du fond vert, mais c'était beaucoup trop compliqué à mettre en place. Là, aujourd'hui, en un claquement de doigts, on se retrouve dans l'espace, on se retrouve... voilà, ça permet aussi de dynamiser, de nourrir encore plus la créativité des enfants. Et cette créativité, on va pouvoir la découvrir donc cet été, encore une fois, bien sûr, avec sur le thème des décors, vous nous l'avez dit, ce sera du 12 au 31. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, comment ça se passe pour eux? Comment on peut vivre le festival pleinement? Alors, il y a deux parties. Le centre de loisirs reste aujourd'hui le cœur battant de l'événement. C'est-à-dire qu'il y a un événement culturel auquel on peut participer en tant que spectateur pour venir voir des films. Ce sont des films qui nous sont envoyés généralement au début de l'année par des réalisateurs et des réalisatrices de deux catégories. Il y a ceux qui ont moins de 18 ans, parce qu'on est toujours très attaché à la création des jeunes, et des réalisateurs et réalisatrices âgés de plus de 18 ans. On a des démarches qui sont amateurs, en voie de professionnalisation et professionnelles, qui se mélangent dans une sélection officielle, qui là est livrée au public. Donc le public peut être spectateur de ça, peut être à un moment donné venir à un certain nombre d'événements. Je ne sais pas si je peux commencer à en parler, mais on verra peut-être tout à l'heure. Mais reste le centre de loisirs qui, où on permet aux enfants de créer des films pendant l'événement. Voilà. C'est-à-dire que les enfants, ils vont avoir la possibilité de voir des films de la sélection officielle. Ils vont en créer également avec leurs copains. Du 12 au 31... C'est la 14e édition, mais c'est aussi lié à un autre événement, bien sûr, à l'MJC des Forges, qui va fêter ses 80 ans. Est-ce qu'il va y avoir un lien, un pont entre ces deux temps forts? Oui. Oui. Et comment? C'est d'ailleurs le prochain temps fort des festivités des 80 ans. La MJC des Forges aura 80 ans le 4 juin 2025. Elle a été fondée le 4 juin 1945 à Nancy. Alors, à l'époque, elle s'appelait pas MJC, elle s'appelait République des Jeunes. Elle n'était pas située là où on est actuellement, elle était située au cœur de la vieille ville. Et en fait, ces festivités, elles commencent un an avant. Et c'est chaque secteur d'activité de la MJC qui va prendre part à cet anniversaire comme une espèce de bougie qu'on va souffler. Alors, est-ce qu'il y aura 80 événements? Je ne sais pas. Il y aura plein de bougies à souffler. Puis l'idée, c'est d'adapter ces festivités à l'événement qui va être proposé. Quand on parle d'image, là, voilà, Fadjet, bonjour, je vous livre un scoop. Le film d'ouverture, je suis parti au Festival de Cannes pour ça, le film d'ouverture va être un film qui n'a jamais été diffusé au cinéma, qui parle de Nancy pendant l'occupation, ça s'appelle Le temps de la désobéissance, et en fait, ça raconte l'histoire de ces policiers à Nancy qui ont désobéi aux ordres de Vichy en empêchant une rafle de juifs. Donc le film a été tourné en 2005 à Nancy. Ça avait fait parler beaucoup parce qu'on avait je vais faire le lien avec les décors. On avait drapé la place Stanislas de Croix-Gamée. On avait installé des vieilles voitures. Enfin, Nancy était devenue un décor de cinéma. Le film, parmi les interprètes, on a Martin Lamotte qui joue dedans. Donc en fait, il n'a jamais été diffusé au cinéma parce que c'était un téléfilm. Donc, c'était la télévision qui avait, qui a toujours les droits, c'est France Télévisions. Donc on a choisi ce film-là avec les jeunes parce que la MJC, elle vient de la guerre. Les Républiques des Jeunes, c'est les mouvements de résistance qui ont permis de remettre un petit peu les valeurs républicaines pour la jeunesse et permettre comme ça de reconstruire la France et l'avenir. Et puis ça permet aussi de questionner qu'est-ce que c'est l'engagement. Qu'est-ce que c'est l'engagement? Est-ce que l'engagement, c'est de l'obéissance obligatoirement? Est-ce que l'engagement, ça peut être aussi des fois la désobéissance? En tout cas, voilà, ce film-là, il n'est pas encore annoncé. C'est quelque chose que je vous livre. Et avant la diffusion de ce film, nous aurons les Satin Dolls Sisters. C'est un groupe de femmes. Elles viennent d'Aix-en-Provence et elles proposent un répertoire musical des années 40-50. Elles sont très très très sollicitées un petit peu partout en France parce qu'elles proposent un concert permettant un petit peu de célébrer à leur manière la libération du territoire. Eh bien voilà un beau programme, hein, bel anniversaire qui s'annonce. Enfin, en plus, ce sera dans les premières bougies, donc il y aura encore plein d'autres rendez-vous, j'imagine, jusque juin 2025. Mais déjà, le festival Clap Clap, ce film de temps de la désobéissance qu'on pourra voir donc à l'MJC des Forges. Ouais, on souhaite le diffuser en plein air. Bon, c'est devenu très facile pour nous d'organiser des plein air. On a l'espace qui le permet. On a la possibilité de rapatrier les gens à l'intérieur de l'MJC s'il fait mauvais. C'était le cas l'année dernière. Hein. On a été beaucoup approchés par la pluie, mais ça n'a pas empêché d'accueillir plus de 2800 spectateurs. Donc ça, on a franchement de la chance de pouvoir organiser un événement dans ces conditions. Okay. Il y a un autre film qui va être diffusé. Alors, oui. C'est un autre scoop. Rien que pour Fadjet, nous avons retrouvé complètement par hasard un documentaire qui avait été réalisé en 1975 par Roger Viry-Babel, un documentaire qui s'appelle « Les MJC ont 30 ans ». Ben voilà, c'était 30 ans après la création de la République des Jeunes à Nancy. Et on a eu la surprise de voir des images très très rares de ce qu'était notre MJC en 1975. Il y a énormément de gens à Nancy qui parlent de ce qu'est pour eux une MJC, de ce qu'ils y font, ce qu'ils aimeraient y faire, etc. Et ça, c'est pour moi un trésor. Nous sommes en attente des droits pour pouvoir le diffuser au public. Une belle page d'histoire donc à vivre cet été à l'MJC des Forges avec bien les films que vous avez cités. Le festival Clap Clap, 14e édition, c'est du 12 au 31 août. Bien sûr, on peut se rendre sur le site www.mjc-desforges.com. On vous suit sur les réseaux sociaux également. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors cet été? Un peu de soleil déjà pour faire les films à l'extérieur. Ouais, du soleil, ce serait bien souhaiter que, voilà, que cet engouement pour cet événement soit toujours présent auprès du public. Parce que le public nous fait des retours chaque année qui sont vraiment merveilleux, qui sont très surprenants, parce que quand on parle d'un festival qui est fait par des jeunes, pour des jeunes, etc., on peut se dire ah, « est-ce que c'est pour moi qui ai 50, 60, 70 ans ?» Et on a des gens qui sont très surpris et très émus de voir ce qu'ils y voient. Voilà, donc je suis « venez !» Merci Jean-Luc Nicole, directeur du centre de loisirs de la MJC des Forges. Nous allons nous quitter en musique en compagnie des Satin Doll Sisters qui seront présentes lors du festival Clap Clap cette année. Le titre « Sous le soleil de Paris ». Des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir on chantait. Ah, ah, ah. D'un peuple pris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, près de Notre-Dame, parfois qu'on vendra, parfois qu'on vendra. Oui, mais à Paname, oui, mais à Paname, tout peut étranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu, ça doit. Viennent du monde entier pour bavarder entre eux.